بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-haqqah. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Mal-haqqah. Qu'est-ce que l'inévitable ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable ? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Les Thamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Quant aux Thamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. En vois-tu le moindre vestige ? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ils désobéirent au messager de leur seigneur, celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. فيومئذ وقعت الواقعة. Ce jour-là alors, l'événement se produira. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ قُرَأُوا كِتَابِيَهُ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. » إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » Et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Car il ne croyait pas en Allah le très grand. Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger. Ni d'autre nourriture que du pu. Que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez. Ainsi que par ce que vous ne voyez pas. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traite de menteur. Et Mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand.